Section 46 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 46. Le retour du volontaire d'un an. Par Ernest Legouvet. Quand le volontariat fut institué, la mode était de le préconiser. Aujourd'hui, la mode est de le battre en brèche, de le tourner en ridicule et de tâcher de le détruire. Tout le monde y travaille. Les républicains l'attaquent comme une institution anti-égalitaire. Les monarchistes comme une institution républicaine. Les familles comme une institution tyrannique. Les militaires comme une institution dangereuse. Ses adversaires les plus indulgents en parlent ainsi que d'un gentil joujou qui, créé dans un moment d'illusion, a permis aux jeunes gens riches de jouer quelque temps aux soldats, mais qui, condamné aujourd'hui par l'expérience, doit disparaître devant la sérieuse réorganisation de l'armée. S'il ne s'agissait que de l'armée, je me tairais par incompétence, mais il s'agit de la famille. Il s'agit de la plus importante des éducations, celle qui complète et couronne les autres, l'éducation personnelle. Voilà pourquoi je ne crains pas de parler. Je ne m'adresse ni aux militaires, ni aux politiques. Je m'adresse aux pères et aux mères. C'est du foyer domestique que je pars. C'est ce qui se passe au foyer domestique à propos du volontariat que je veux mettre en lumière. Les volontaires sont rentrés chez eux le 8 novembre. Depuis plus d'un mois, l'attente de ce jour était, dans les familles, l'objet de tous les entretiens, de toutes les pensées, de tous les projets. Les volontaires n'étaient pas seuls à effacer, chaque soir, d'une main fiévreuse, sur l'almanach, le jour écoulé, afin de se rapprocher, pour ainsi dire, visiblement de la maison regrettée. Les pères, les mères, les frères, les sœurs ne passaient guère un seul repas sans se dire « plus qu'un mois, plus qu'une semaine, dans 3 jours, il sera assis à cette place. » Et alors, longue discussion pour savoir à quel moment il arriverait. Sera-ce le soir? Sera-ce le matin? S'annoncera-t-il par une lettre? Voudra-t-il tomber à l'improviste, surprendre, faire son coup de théâtre? Cependant, tandis que se croisent toutes ces questions anxieuses, on fait force préparatif pour cette réception. Un grand changement, en effet, s'est opéré dans la condition du jeune homme. Quand il est parti, il avait à peine 19 ans. Il revient au bout de 12 mois. Et il est majeur? Oui, le volontariat change l'âge de la majorité. On ne peut plus traiter comme un mineur celui qui a été son maître absolu pendant 1 an, sauf les heures du service, celui qui a commandé des soldats, instruit des recrues, appris et enseigné à défendre son pays. Il faut nécessairement compter avec lui, comme avec un homme. Or, pour cela, quelle est la première chose à faire? Lui préparer dans la maison une place à lui, lui donner une chambre où il soit chez lui, lui remettre enfin le signe de la liberté et de la responsabilité, une clé pour lui. Cette clé, remise, lui donne plus d'une leçon. Elle lui dit « Tu es chez toi », mais elle ajoute « Tu es chez nous ». Use de ton logis, mais respecte notre toit. Rien de plus facile que de le lui faire cette clé. Mais cette chambre, où la trouver? Il n'y a pas de place de trop dans les logements de Paris. Pour caser le nouveau venu, il faut prendre sur la part des autres. Chacun se sert pour lui. C'est un déménagement complet, sans changement de local. Tantôt la mère renonce à son petit salon. Tantôt le père déloge ses livres pour loger son fils et transporte sa bibliothèque dans sa chambre à coucher. Pendant ce temps, les sœurs travaillent à l'embellissement de cette chambre. Dès le mois de septembre, combien de doigts de jeunes filles ardemment occupées à l'achèvement d'une tapisserie, d'une tenture, Combien de petites pécules, amassées pièce à pièce depuis un an, et mis à contribution pour l'achat d'un meuble, d'une pendule, toujours pour cette chambre. Le père prêche la simplicité, l'économie. Ne me le gâtez pas, ne me l'amollissez pas. Ne crée rien, répond la mère. Puis elle ajoute tout bas, je veux qu'il soit bien à la maison, pour qu'il ait du plaisir à y rester. Car son goût pour la maison, c'est notre influence succédant à notre autorité. C'est la confiance devenant de sa part une habitude. Et tandis que toi, tu vas songer à l'organisation de ses études, à un choix d'amitié sérieuse et utile, moi, je m'occuperai de l'amuser, de lui donner le goût de la bonne compagnie. Fais-en un homme. Moi, je tâcherai d'en faire ce que tes chers écrivains du XVIIe siècle appelaient un honnête homme. Il arrive enfin. Il entre. Que nous apprend le premier regard jeté sur lui, la première journée passée avec lui? Quels changements se sont opérés dans son visage, dans sa démarche, dans ses manières? Je prends à témoin les parents qui ont retrouvé leur fils cette année. N'est-il pas vrai qu'il revient plus fort, plus gai, plus résolu, plus affectueux, c'est-à-dire plus fils, en étant plus homme? Il a appris par la privation ce que valent les affections naturelles. Il a appris par la comparaison ce que sont, en regard des hommes, un père, une mère, une sœur, un frère. Il a appris la règle, l'ordre, la discipline. Il a pratiqué à la fois l'immolation et l'exercice de la volonté, tour à tour, libre de faire tout ce qu'il voulait et forcé de faire tout ce qu'il fallait. Enfin, pour la première fois, s'est révélé à lui dans toute sa grandeur le mot de patrie. Je pourrais citer à ce sujet des exemples frappants de métamorphose. Le drapeau est un être. Il porte une âme cachée dans ses plis. Et de ses plis déroulés et flottants sort je ne sais quel souffle d'héroïsme qui descend dans les cœurs. Non, on ne vit pas impunément pendant une année autour de cette hampe toute chargée d'une mystérieuse électricité. On ne court pas impunément pendant une année partout où il y a un danger public, un incendie, une inondation, et tout cela, pourquoi? Pour l'honneur du drapeau. En quel nom? Au nom de la France. C'est comme soldat de la France que partout et toujours, le volontaire s'oublie et se sacrifie. De là, je ne sais quelle incarnation, quelle évocation de cette créature invisible qu'on appelle la patrie. J'ai vu des jeunes gens partis, non pas sceptiques, mais du moins indifférents à toute idée générale et généreuse, et qui, le jour de leur départ du régiment, ont été tentés de pleurer en rendant leur fusil. Ce qu'ils regrettaient en lui, ce n'était pas seulement le compagnon de leur fatigue, le témoin de leurs travaux, mais l'arme de la patrie. Aussi n'ont-ils pas voulu lui dire adieu. Ils lui ont dit au revoir. Et alors, serment fait tout bas à ce cher fusil, de donner avec joie tout leur sang à leur pays le jour où ils les appelleraient. Ces jeunes gens qui riaient de notre romantique chauvinisme, de nos phrases déclamatoires de 1830, étaient devenus déclamateurs à leur tour. Oh, le beau défaut quand il veut dire dévouement. Ce n'est pas tout. Croit-on que le sentiment des intérêts publics leur ait ôté la pensée de leurs devoirs particuliers? Croit-on que le travail de la caserne ait engourdi chez tous le travail de l'intelligence? Non, plus d'un, au milieu de ses exercices de soldat, s'est souvenu qu'il devait être autre chose que soldat. Il a eu le courage de prendre sur ses courtes heures de repos le temps de se préparer à son rôle futur d'avocat, de magistrat, de juge. Il a commencé son volontariat de la science tout en achevant son volontariat de la guerre. Quelques partisans du passé regrettent l'ancienne organisation militaire, une armée chargée de se battre pour la nation. La réponse est bien simple. Vous l'aviez, cette armée. Vous l'aviez plus aguerrie, plus compacte, plus vigoureusement constituée, dit-on, qu'on ne l'avait jamais vue, l'armée de 1870. En a-t-elle été moins vaincue 4 fois en 20 jours? En a-t-elle été moins réduite à l'impuissance? Par quoi? Par le nombre. Il faut donc nécessairement aujourd'hui compter avec le nombre. Un peuple armé peut seul lutter contre un peuple armé, sans doute, répondent les républicains. Mais proclamez donc alors l'égalité absolue devant le danger public. Le service obligatoire est égal pour tous. Tout le monde soldat et 3 ans de service pour tous les soldats. Quoi? Les 3 ans qui s'écoulent de 20 à 23 ans, c'est-à-dire les 3 années les plus fécondes pour l'intelligence, les 3 ans où l'esprit se forme, où la vocation se détermine, où les études s'achèvent, où les professions se préparent, où se contracte l'habitude du travail continu et réfléchi. Ces 3 ans, vous allez les consacrer à des exercices presque exclusivement corporels, par lesquels la volonté s'affermit sans doute, mais d'où la pensée est absente. Que deviennent alors les professions libérales? C'est pourtant quelque chose dans la vie d'un peuple que la vie intellectuelle. Être citoyen, ce n'est pas seulement être soldat. De quel cœur, avec quel succès un jeune homme, après 3 années d'interruption, abordera-t-il la rude pratique de l'étude des lois, des arts, des lettres, de la médecine, de la science? Il ne s'agit pas seulement pour lui d'un retard. Il aura perdu bien plus que ses 3 ans. Il aura perdu le goût même de sa profession et la force d'élan que demande tout apprentissage. Le grand ressort de la méditation sera brisé en lui. Il faut le dire, bien des germes d'antagonisme, bien des malentendus subsistent encore entre les diverses classes. Le volontariat nous le montre au vif. Il met en présence, d'un côté les recrues de la bourgeoisie et des classes riches, de l'autre les soldats qui sortent presque tous du peuple, et enfin, au-dessus, les chefs qui représentent à proprement parler la classe militaire. Comment les premiers sont-ils reçus par les deux autres? Avec un sentiment de défiance, trop souvent mêlé d'envie chez les soldats, de dédain chez les chefs. Les militaires ont en général grande peine à prendre les bourgeois au sérieux comme hommes d'action. Au fond de ce mot « bourgeois », il reste toujours pour eux quelque chose du mot « Pékin ». Je ne puis oublier que pendant le siège de Paris, les généraux faisaient beaucoup plus fond pour la défense sur Belleville que sur la chaussée d'Antin, et que la chaussée d'Antin n'inspirait à Belleville ni confiance ni peur. Eh bien, le rôle des volontaires, leur devoir, leur honneur est de détruire ce double et blessant préjugé, d'éteindre l'envie à force de cordialité et le dédain à force de courage, de contraindre enfin les soldats à les aimer comme camarades, les chefs à les estimer comme soldats. Ainsi pratiqué, le volontariat deviendra une école de concorde publique, comme le collège. Et plus que le collège, il rapprochera les rangs, il effacera les distances, il contribuera à faire de nous une nation. Quant aux mères, assez peu mères pour gémir d'un an de fatigue et de privation imposée à leurs fils, qu'elles le sachent, c'est à ce prix seul que les classes moyennes se rachèteront du reproche de pusillanimité qui pèse sur elles. Et la bourgeoisie ne prendra dans la société le rang et le rôle qui lui appartiennent que le jour où chacun de nos fils pourra dire « J'ai servi ». Fin de la section 46, lue par Margot.